Le mercredi 27 juillet, il est 12h30. Voici vos informations. D'abord, l'alcool ou la drogue pourrait être en cause dans un violent accident survenu ce matin à Saint-Augustin. Deux hommes de la région de Québec ont été gravement blessés quand leurs véhicules sont entrés en collision peu avant 7h à l'angle du chemin Notre-Dame et du 4e rang. Le conducteur du mini fourgonnette a dévié de sa voie et a heurté la voiture qui arrivait en sens inverse. Le conducteur de cette mini fourgonnette qui a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies. Et le maire de l'ancienne Lorette, Émile Loranger, veut améliorer l'apparence du boulevard Amel. Le maire convient que l'aspect visuel de ce boulevard laisse à désirer. Présentement, il a mandaté une firme pour faire des devis et a promis de présenter un plan plus concret en septembre à ses citoyens. Un premier geste a été posé mardi soir en conseil municipal, alors que les stationnements en cours avant ont été bannis. Les stationnements de façade, les commerces existants disposeront de droits acquis, mais la municipalité les incitera à faire des changements pour embellir leur terrain. L'ajout de pistes cyclables, la plantaison d'arbres ainsi que de nouveaux lampadaires ont été évoqués également. Scène nationale, la campagne de sociofinancement de Mike Ward va bon train. En 24 heures, l'humoriste a reçu l'appui de 800 donateurs et amassé plus de 20 000 $. Mike Ward cherche à amasser la somme de 93 000 $ pour payer ses frais d'avocat. Rappelons que le tribunal des droits de la personne l'a condamné à verser 42 000 $ à Jérémy Gabriel et à sa famille. L'affaire divise, on le sait, le milieu de l'humour ainsi que les internautes. Au nom de la liberté d'expression, l'humoriste a promis de faire appel du jugement. Il a indiqué qu'il était même prêt à se rendre jusqu'en Cour suprême. Et de retour chez nous, le nombre de graffitis est en forte augmentation au centre-ville de Québec. Selon l'organisme Graffcité, qui fait du nettoyage et de la sensibilisation depuis 13 années maintenant, eh bien, le nombre de dessins sur les murs des quartiers centraux a quadruplé ces quatre dernières années. En 2012, 1800 dessins avaient été répertoriés contre 7600 cette année. Et ce, malgré les efforts déployés par Graffcité, ses 12 employés et ses deux camions, en dépit également de la vigilance des citoyens qui, rappelons-le, peuvent se procurer des trousses de nettoyage gratuites offertes par la Ville de Québec. Enfin, le nouveau stationnement d'exposité du Centre Vidéotron devrait être mis en service en septembre. La Ville de Québec a confirmé son intention au journal Le Soleil, la ville qui compte profiter de la reprise des grands événements pour mettre au point ce nouveau système de gestion électronique qui est installé depuis près d'un an, mais son activation avait été retardée pour éviter les problèmes techniques lors des débuts de l'amphithéâtre. À Québec, c'était Dominique Lelièvre pour CKRL.